إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سميع يسمع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، رب الأراضين والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نستأنف في هذا الدرس المبارك مسألة خاض فيها الكثير من الناس، وظن الكثير من الناس أنها مسألة سهلة هينة، ألا وهي سب الدين أو سب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحكم، أي حكم الإسلام في من سب النبي عليه الصلاة والسلام، أو استهزأ به عليه الصلاة والسلام، أو تعرض لشخصه عليه الصلاة والسلام، فالحكم، حكم الإسلام في هذا الشخص، هو كافر زنديق يجب قتله. Donc بإذن الله، c'est une question sur laquelle on va discuter durant ce cours, c'est la question de insulter le prophète alayhi sallam. Quel est le jugement de celui qui insulte le prophète alayhi sallam, qui dénigre le prophète alayhi sallam, qui rabaisse le prophète alayhi sallam, qui parle sur son ird, sur son honneur alayhi sallam. Quel est le jugement de cette personne-là? On verra au travers les versets dans le Coran et au travers les hadiths du prophète alayhi sallam pour le jugement de cette personne. حكم الإسلام، jugement et le jugement de l'islam sur cette personne-là qui insulte le prophète عليه الصلاة والسلام. لا شك أنه كافر مرتد. Il n'y a aucun doute sur le fait que la personne qui insulte le prophète عليه الصلاة والسلام, elle est apostat. S'il est musulman. S'il est musulman, cette personne, il est apostat. وهذا مقرر بالأدلة من الكتاب والسنة. وهذا مقرر بالكتاب والسنة وبإجماع الأئمة الأربع وبإجماع الأئمة الأربع لم يختلف اثنان من أهل العلم في وجوب قتله. Il n'y a pas deux savants qui ont divergé sur cette question, sur le fait que celui qui insulte le prophète عليه الصلاة والسلام parmi les musulmans, il doit être tué. Il y a eu divergence sur le fait si on accepte son repentir ou pas. ولكن الراجح من أقوال أهل العلم c'est qu'on n'accepte on accepte pas son repentir. On n'accepte pas son repentir. Wa hunak kitab li Cheikh rahimahullah Ibn Taymiyyah as-Sarim al-Maslul ala Shatim al-Rasul, l'épée tranchante sur celui qui insulte le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, si on peut traduire ça par ça, comme ça. Donc, on a le fait aussi, si il se trouve que tu entends d'une personne insulter le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et que tu n'es pas jaloux, et que ça ne te fait rien, ça te fait, comme on dit, ça te fait ni chaud ni froid. Tu entends les gens insulter le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, tu entends les journaux faire sorte des caricatures où ils insultent le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, tu entends un chi'a parler sur l'honneur du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, t'entends Shia insulter Sahaba, t'entends les gens insulter Din, ça te fait ni chaud ni froid. T'es pas jaloux et t'es pas touché. La taghar ala dinik, wa la taghdab, wa awthaq al-ura, al-hubbu fillah, wa al-bughdu fillah. C'est que la personne est la plus solide. Des branches de la foi, c'est le fait d'aimer en Allah et de détester en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tara ba'd an-nas la yagharu wa la yaghdabu fa hadha laysa bimu'min. Li anna al-asl fi al-iman huwa al-hubb. والحب شرط، حب الله وحب النبي عليه الصلاة والسلام، وحب النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون أعظم من حبك لزوجتك ولأبيك ولأمك ولأصدقائك. Donc le fait d'aimer le prophète عليه الصلاة والسلام, tu dois le mettre en avant et avant l'amour que tu as envers tes parents. Comme le prophète عليه الصلاة والسلام dit, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Et le prophète, il dit dans un hadith, le croyant n'aura pas une foi complète jusqu'à ce que je sois aimé pour lui plus que ses enfants, plus que ses parents, et plus que la majorité des gens, plus que les gens de la terre entière, pour que le prophète soit aimé plus que tout. Et dans un hadith, le prophète, il dit, « Inna al-balaya ila man yuhibbuni » أسرعوا من السيل إلى منتهى. Et dans un hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام, il dit, les épreuves touchent les gens qui m'aiment à la vitesse de la tombée de l'eau d'une cascade. Donc, dis-toi que si tu aimes le prophète عليه الصلاة والسلام, on va t'éprouver. Si tu suis la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام et que tu le défendes, dis-toi que tu vas être éprouvé. Et comme le prophète عليه الصلاة والسلام dit, Ashadul bala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal yubtala al-mar'u ala hasabi dinihi. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit, ceux qui ont été le plus éprouvés, c'est les prophètes, puis leurs semblables. Yubtala al-mar'u ala hasabi dinihi. Le croyant, il est éprouvé selon le degré de sa foi. Le croyant est éprouvé selon le degré de sa foi. Donc, hadha bayan, donc c'est une risala que je fais. Donc, هذا بيان لمن يسب النبي عليه الصلاة والسلام ومن وإلى من لم يعرف حكم السب حكم شاتم النبي عليه الصلاة والسلام. Donc, c'est un message que je fais pour les gens qui ne savent pas le jugement de celui qui insulte le prophète عليه الصلاة والسلام. ليهلك من هلك عن بينة أو يحيى من حي عن بينة. Pour que sur preuve périsse celui qui doit périr et qui vive sur preuve celui qui doit vivre. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il a dit. Donc, كُلُّ مَنْ سَبَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ فَإِنَّهُ يَجِبُ قَتْلُهُ يَجِبُ أَنْ يُقْتَلْ وَلَا يُعْذَرْ أَحَدٌ بِالْجَهْلِ فِي ذَلِكَ. Et donc, dans cette question-là, on n'a pas l'excuse de l'ignorance. Non, je ne savais pas. On verra les textes qui sont clairs. Et pas, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il ne fallait pas insulter le prophète عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الأصل, لأن الأصل النبي عليه الصلاة والسلام, أن تحب النبي عليه الصلاة والسلام. Et le fait d'insulter le prophète est pire, on verra bien, est pire que d'insulter Allah. Est pire que d'insulter Allah. قال سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays, ce sera pour eux une infamie, khizi, ici-bas et dans l'au-delà. Il y aura pour eux un énorme châtiment. Il y aura pour eux un énorme châtiment. Qala Ibn Kathir, rahmatullahi alayh, dans son tafsir, وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ عَامَّةٌ فِي الْمُشْرِكِينَ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ يَرْتَكَبَ هَذِهِ الصِّفَاتِ كَمَا رَوَى الْبُخَارِ وَمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قُلَابَةَ أَنَّ نَفَرًا مِنْ عَقْلْ ثَمَانِيَةَ قَدِمُوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها فقالوا بلى فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا فقتلوا الراعي وطردوا الإبل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في أثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بماذا؟ فأمر ف... فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. دونك سبب نزول الآية، la cause pour la révélation du verset, c'est que, comme il a rapporté Ibn Kathir dans son tafsir, c'est que le prophète, alayhi sallam, il y a dans une riwaya, on a Aql ou Urayna, dans l'afd chez Muslim. Donc il y a, c'est une tribu de Aql, donc ou Urayna, qui sont venus voir le prophète, alayhi sallam, et ils ont porté allégeance et ils sont rentrés dans l'islam. Donc, leur corps, ils sont tombés malades par la suite. Ils ont demandé, ils sont venus voir le prophète, alayhi sallatou salam, et le prophète, alayhi sallatou salam, il leur a montré le moyen pour guérir, le remède. Il leur a dit, allez avec notre berger, il a des chameaux, donc allez voir avec lui une chamelle et buvez de ses urines, de l'urine de la chamelle et de son lait. Donc ils ont bu de l'urine de la chamelle et de son lait. Fasahou. Donc ils sont devenus en bon état. Donc ils se sont rétablis. Qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? Ils ont tué le berger et ils ont pris les chameaux. Le prophète, alayhi sallam, il a eu al-khabar, il a eu la nouvelle, il a été informé de leur acte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des sahabas jusqu'à ce qu'ils les ont attrapés. Quand ils les ont attrapés, le prophète, alayhi sallam, qu'est-ce qu'il leur a fait? Hada arhamun nas. Donc c'est celui qui a été envoyé comme miséricorde vers l'humanité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attrapé ces gens-là, il a coupé leurs mains, il leur a coupé les pieds. Sammara ayunahum. Il a mis de la cendre dans leurs yeux. Ça, c'est le prophète alayhi sallatou salam. Et le hadith sahih, pour pas qu'on dise c'est un hadith da'if. Sammara ayunahum. Il a mis de la cendre, de la braise dans leurs yeux. Alayhi sallatou salam. Ensuite, il les a jetés dans un endroit, il n'y a que des pierres, il les a jetés là-bas, comme ça a été rapporté dans, donc, Abu Qulayb, il dit aussi, ils ont volé, qatalou wa kafarou, il dit, sarakou wa qatalou wa kafarou, et Anas, il dit, il demande au secours, il n'y a personne pour les secourir. Il demandait au secours, il demandait que on les secours, il n'y avait personne pour les secourir. Donc, c'est des gens qui ont fait quoi? Qui ont semé. Donc, ce verset a été descendu sur eux, la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, et qui s'efforcent à semer la corruption sur terre. C'est qu'ils soient tués, crucifiés, ou que leurs mains soient coupées et leurs jambes opposées. Et le calife, il a le choix entre ces trois choses. Le calife, le califat, l'amir al-mu'minin, une fois qu'il a attrapé ces criminels, il a le droit d'appliquer l'une de ses sentences. Il a le droit d'appliquer l'une de ses sentences. Wa qala subhanahu wa ta'ala, inna alladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adaban muhina. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. Donc ceux qui offensent Allah et son messager. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il est fait sur l'Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas, comme dans l'au-delà. Et il leur prépare un châtiment avilissant. عذاب مهينا. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes, sans qu'ils l'aient mérité. Bighayri ma iktasabou. Se charge d'une calomnie et d'un péché évident. Faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Wa sabbu kufrun zahirun wa batin. Et donc le fait d'insulter le prophète alayhi salatu wassalam, c'est une mécréance intérieure et extérieure. Wahada akbar dalil yarda'u wa nastadillu bihi likay narud 'ala al-murji'. Donc ce dalil c'est sur le fait que celui qui insulte le prophète alayhi salatu wassalam est un kafir binassi as-sunna wal-kitab wa العلماء. دونك ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، وسواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. ابن تيمية رحمة الله عليه يجي: insulter Allah ou son prophète est une mécréance intérieure et extérieure. Est une mécréance, parce que pourquoi il a dit ça, extérieur et intérieur? Car le murji'a, ils font la liaison à chaque fois avec l'i'tiqad, avec la croyance. Non, mais il faut voir s'il croit ou il ne croit pas. D'accord? Mais oui, il a fait un acte de kofr, mais il faut voir son cœur. Qu'est-ce qu'il a dans son cœur? Ici, Ibn Taymiyyah te dit, celui qui insulte le prophète alayhi salatu wassalam est une mécréance intérieure et extérieure. Point. Donc ça, c'est en réponse au Murji'a, qui reviennent à chaque fois à la croyance du cœur. À chaque fois que la personne, elle se prosterne à une statue, mais il faut voir s'il croit ou il ne croit pas. La personne, elle, je ne sais pas quoi, elle jette le Coran, et il faut voir s'il croit ou il ne croit pas. Donc ici, Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, il dit, insulter Allah et son prophète est une mécréance intérieure et extérieure. Que celui qui insulte croit au fond de lui que c'est interdit, ou qu'il rende le fait d'insulter licite, ou qu'il ne croit pas en ce qu'il dit lorsqu'il insulte, et c'est un kafir. Et c'est la parole des savants de jurisprudence et la plupart des gens de la sunna qui disent que la foi est un ensemble d'actes et de paroles. Donc, هذا مذهب الجمهور. ثم نقل أقوال أئمة رحمه الله. Puis le cheikh, il a rapporté la parole des grands imams. ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. Il a dit, من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل وذلك أنه إذا شتم فقد ارتد عن الإسلام ولا يشتم مسلم النبي عليه الصلاة والسلام. وقول القاضي أبي يعلى, من سب الله أو سب رسوله فإنه يكفر سواء استحل سبه أو لم يستحله. وقول ابن رهويه, قد أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. والأدلة على ذلك أي كفر من سب النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة. دونك إمام أحمد دي celui qui insulte le prophète عليه الصلاة والسلام est tué, car le fait d'insulter le prophète représente une apostasie qui fait sortir de l'islam. Et le musulman n'insulte pas le prophète alayhi salatu wassalam. Et Al-Qadi Abu Ya'la, il dit, celui qui insulte Allah ou son prophète, il devient mécréant, que ce soit en rendant cela licite ou non. C'est-à-dire que même s'il rend cela licite ou non. Et Ibn Rahawai, rahimahullah, rapporte le consensus des musulmans que celui qui insulte Allah et son messager, ou qui renie ce que Allah a fait descendre, ou qu'il tue un prophète, Allah, ou qu'il tue un prophète d'Allah, il est mécréant malgré qu'il approuve tout ce que Allah a fait descendre. Donc, on a un ijma, un consensus. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa la in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadhiru. قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, et si tu les interroges, ils diront très certainement, on faisait que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah et de ses versets et de son messager que vous moquiez? Ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si on pardonne à une partie de vous, nous châtirons une autre pour avoir été des criminels. Donc, dans ce verset, il y a une indication que le fait de se moquer d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou d'une chose de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou du prophète alayhi salatu wa salam, est une mécréance, est une apostasie qui fait sortir de l'islam, qui fait sortir de l'islam et qui fait sortir de la foi. Donc, le fait d'insulter est pire encore que ce soit en plaisantant ou de manière sérieuse. Peu importe celui qui insulte. Et ce verset, il a été descendu lorsqu'un groupe de munafiqin revenait de Ghazwat Tabouk. Il revenait du jihad avec le prophète alayhi salatu salam et il commençait à se moquer des sahaba radiallahu anhum. Qu'est-ce qu'il disait sur la route? Il a dit, قال رجل من المنافقين في الغزوة ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فقال عوف بن مالك رضي الله عنه كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام فوجد القرآن قد سبقه، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله كنا نخوض ونلعب، كنا نخوض ونلعب. دونك l'histoire de ces منافقين elle a été rapportée comme ça a été rapporté par Ibn Omar رضي الله عنه et d'autres صحابي rapportent dans ce hadith qu'il revenait d'une bataille de Tabouk. Il revenait d'une bataille de Tabouk. Donc un homme, il a dit, jamais on a vu des individus qui ont de gros ventres et qui sont plus menteurs et plus lâches lors d'un assaut que ces lecteurs de Coran. Il parle de qui? De As-Sahaba radiallahu anhu. Et pas des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que les Sahaba, ils étaient assidus. Ils lisaient souvent, ils lisaient le Coran. Tout le temps, même pendant leur voyage, ils lisaient le Coran. Donc Aouf ibn Malik, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu ce que ce munafiq il a dit. Donc il lui a dit quoi? Il lui a dit, tu mens. Je vais informer le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Tu mens, t'es un hypocrite. Je vais informer le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam de ce que tu as dit. D'accord? Donc Aouf est parti voir le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer. Il a trouvé que la révélation divine, al-wahi, l'avait précédé. La révélation était descendue. L'homme qui avait tenu ses propos, il est venu voir le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était sur sa chamelle. Il disait, ô messager d'Allah, on faisait que bavarder et discuter, comme tout le monde discute lors d'un voyage pour passer le temps, hein, et pour oublier la fatigue du voyage. Et donc là, il était accroché à la chamelle, comme il dit Ibn Omar, il était accroché à la chamelle du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. Et dans le même sourate, c'est sourate Tawba, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِ. Donc dans notre verset, ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas, ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit ce que les choses qui ont été rapportées. Ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit ça. Alors qu'en vérité, ils ont dit une parole de kofr, une parole de mécréance, et ils ont rejeté la foi après avoir été musulmans. Ils ont rejeté la foi après qu'ils étaient musulmans. قال القرطبي رحمة الله عليه لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدا أو هزلا وهو كيفما كان كفر فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة. دونك القرطبي sur l'histoire de ces munafiqin qui ont insulté le prophète et les sahaba, il a dit ce qu'ils ont dit, c'est soit en s'amusant, soit sérieusement. Soit ils l'ont dit sérieusement. Et dans les deux situations, cela représente une mécréance claire. Car s'amuser avec la mécréance est une mécréance. Et il n'y a pas de divergence sur la question dans la Ummah. Et il n'y a pas de divergence dans la question dans la Ummah. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه هذا نص في أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم كفر فالسب المقصود بطريق الأولى وقد دلت الآية على أن كل من تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم جادا أو هازلا فقد كفر فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد لا بل كنا نخوض ونلعب. Donc Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, il dit rahimullah, c'est une preuve claire que celui qui se moque d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses versets ainsi que de son prophète alayhi salatu wasalam, il a mécru, il est devenu mécréant. Et le verset prouve que celui qui rabaisse de l'honneur du prophète alayhi salatu wasalam, qu'il soit sérieux ou qu'il plaisante, est un kafir. Allah a informé qu'ils ont mécru, ces munafiqin, après qu'ils ont eu la foi. Malgré qu'ils ont dit, quand ils ont parlé, ils disaient, on a parlé avec la mécréance sans y croire. Mais on faisait que passer le temps et s'amuser. Ces gens-là faisaient passer le temps et s'amuser. وقال السيوطي رحمة الله عليه قد كفرتم بعد إيمانكم أي ظهر كفركم بعد إظهار الإيمان. Et السيوطي رحمة الله عليه dit, vous avez montré votre mécréance après que vous ayez montré votre foi. Vous avez montré votre mécréance après que vous ayez montré votre foi. Donc, هذو كانوا يبطنون الكفر. Ils cachaient au fond d'eux la mécréance. وقال سبحانه وتعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. الله سبحانه وتعالى il a dit et si, après le pacte, ils violent leur serment et dénigrent votre religion, combattez alors les chefs de la mécréance, car ils ne tiennent aucun serment. Peut-être cesseront-ils. قال ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية وطعنوا في دينكم أي عابوه وانتقصوه ومنها هنا أخذ قتل من سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو من طعن في الدين أو ذكره بنقص. Donc Ibn Kathir rahmatullah alayhi dit et dans le verset et dénigre votre religion dans la parole et dénigre votre religion, c'est-à-dire souille votre religion et la rabaisse. Et de là, on a déduit que celui qui insulte le prophète alayhi sallatou salam ou dénigre l'islam doit être tué. وقال ابن المنذر أجمع عامة أهل العلم على أن من سب النبي عليه الصلاة والسلام عليه القتل. ابن المنذر il dit il y a consensus que celui qui insulte le prophète عليه الصلاة والسلام il doit être tué. وقال سبحانه وتعالى في الآية وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. شيخ الإسلام رحمة الله عليه il a dit مجرد نكث الأيمان مقتد للمقاتلة وإنما ذكر الطعن في الدين وأفرده سبحانه بالذكر تخصيصا له وبيانا لأنه من أقوى أسباب الموجبة للقتال. Donc Ibn Taymiyyah dans مجموع الفتاوى il dit le simple fait de briser le serment, d'annuler le serment est une cause pour les combattre. Et le dénigrement de la religion a été cité à part pour montrer sa spécificité et sa gravité, car il représente une grande cause pour faire le combat. وقال جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لكعب بن أشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فقال محمد بن مسلمة يا رسول الله أتحب أن أقتله قال نعم الحديث. Donc dans ce hadith, il a été rapporté par الإمام البخاري في المغازي باب قتل كعب بن أشرف، وكذلك مسلم رحمة الله عليه في باب الجهاد والسير، وكذلك أبو داود فيما أعلم. دونك ce hadith il a été apporté et c'est un hadith sahih rapporté par le Bukhari. Donc le prophète alayhi sallam il a dit qui peut s'occuper de Ka'b ibn Ashraf, car il a offensé Allah et son prophète. Et ce Ka'b ibn Ashraf était un juif, il était sous contrat, le prophète alayhi sallam il l'avait mis sous contrat. Donc il s'est mis à insulter les musulmans et leur religion. Le prophète alayhi sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a chargé quelqu'un de le tuer. Il a chargé quelqu'un de le tuer. Et il a considéré le fait d'insulter l'insulte de celui-ci une offense. Le fait que Ka'b ibn Ashraf, il a insulté le prophète alayhi sallam, il l'a considéré comme une offense envers Allah et son prophète. Ainsi, il a permis l'exécution du mécréant qui est sous contrat, al-dhimmi. Donc c'était un dhimmi. D'accord? Donc le mécréant qui n'est pas sous contrat passe avant. Donc le mécréant qui passe, qui n'a pas de contrat, qui n'est pas dhimmi, passe avant. Donc médite bien. C'était un dhimmi. C'était quelqu'un qui était sous contrat. Le prophète alayhi sallam, il a autorisé à le tuer. Donc, celui qui n'est pas sous contrat, ou celui le demi ou celui sous contrat, car le demi a des contrats. Donc il est sous contrat, donc il a l'amn. Donc on doit lui garantir la sécurité. D'accord? Alors que celui qui n'a pas de contrat passe avant, parce qu'il n'a pas de ahd, il n'a pas de dhimma. Il passe sous contrat. Donc, le mécréant qui n'est pas sous contrat passe avant le dhimmi. Ou celui sous contrat a des droits que l'autre il n'a pas. Donc comme la sécurité, comme l'immunité du kafir qui est sous contrat. Donc le dhimmi, s'il insulte le prophète alayhi sallam par des injures ou autres, son contrat est annulé. Son contrat est annulé. De la même manière que sa sécurité et son immunité sont annulées. D'accord? Wa qala al-qadi Iyad naqala qawl al-shaykh Muhammad ibn Sahnoun. Qala Muhammad ibn Sahnoun rahmatullah alayh, أجمع العلماء أن شاتم النبي عليه الصلاة والسلام المنتقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله، ومن شك في كفره وعذابه فقد كفر. Donc ici, des paroles qui sont très très très très importantes. Qu'est-ce qu'il dit? Muhammad ibn Sahnoun, rahmatullahi alayhi, il dit les savants sont unanimes que quiconque insulte le prophète عليه الصلاة والسلام ou le rabaisse, devient mécréant. Ensuite, faites attention, il dit, et il est menacé du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque doute de sa mécréance et de son châtiment, devient mécréant. Allahu Akbar. Donc celui qui insulte le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, si tu doutes sur sa mécréance, Cheikh Sahnoun, il te dit, tu deviens mécréant. Et l'imam Abdullah ibn Ahmed, le fils de Ahmed ibn Hanbal, il a questionné son père. Il a dit, j'ai questionné mon père, Ahmed ibn Hanbal, à propos d'un homme en colère, qui dit à un autre, qui l'insulte, il lui dit, ô fils de ceci et de cela, toi et celui qui t'a créé. Anta wa man khalaqak. Anta wa man khalaqak. Toi, en faisant allusion à Allah subhanahu wa ta'ala. Il insulte Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, Imam Ahmed, il a dit, cette personne est apostasiée de l'islam. Cette personne, elle devient apostat. Le fils de l'imam Ahmed, il a dit quoi? J'ai demandé, faut-il lui trancher la tête? Imam Ahmed, il a répondu, oui, il faut lui trancher la tête. Et ça a été rapporté dans Al-Masail, Masail Imam Ahmed, page 430, 431. Wa an Ali radiallahu anhu, anna yahoudiya, kanat tashmu nabi alayhi sallatu wassalam. وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. والحديث رواه أبو داود في حدود باب الحكم في من صب النبي عليه الصلاة والسلام وابن بطة. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه حديث جيد. دونك ce hadith il a été rapporté par Shaabi d'après Ali radiallahu anhu à propos d'une juive qui a injuré, qui a insulté le prophète alayhi sallam et qui était insolente à son égard. Un homme est venu et il l'a étranglé jusqu'à la mort. Donc, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, il a commenté ce hadith, il a dit ce hadith est bon. Et Al-Sha'bi a vu Ali et il l'a rapporté de lui. Et même s'il y avait un intermédiaire, Al-Sha'bi est considéré parmi, est considéré par les savants comme quelqu'un de véridique dans ses propos. Et on ne connaît pas de hadith mursel, un hadith qui est faible, sans qu'il ne soit authentique. Donc pour vous montrer que celui qui insulte le prophète alayhi sallatou salam fa huwa kafirun murtad wa al qawl ar rajih annahu la taqbal lahu tawba. La mas'ala fiha khilaf walakin as sahih annahu la taqbal lahu tawba. Idha qal atub la taqbal lahu tawba. Donc le fait d'insulter le prophète alayhi sallatou salam, le fait de dénigrer, de parler sur l'honneur, et comme il dit Malik, celui qui insulte Aïcha doit être tué. Qu'est-ce qu'on dit du prophète alayhi sallatou salam? Quand Malik rahmatullahi alayhi, il dit je reste pas dans une ville où on insulte les sahaba du prophète alayhi sallatou salam. On est dans un pays où on insulte le prophète alayhi sallatou salam jour et nuit. Et il n'y a personne pour parler. Pour la yardab, il n'y a personne qui s'énerve, qui se met en colère, car on a parlé sur le prophète alayhi sallatou salam. Ici, juste le fait de lever la voix sur la voix du prophète alayhi sallatou salam est une cause pour que les actions deviennent vaines. Qu'est-ce qu'on dit de ceux qui l'insultent? Qu'est-ce qu'on dit de ceux qui l'insultent? Et on a vu, subhanallah, des gens pleurer récemment sur la fusillade. Sur les gens qui ont été les sécoufards qui ont été tués, des gens, subhanallah, ils viennent, ils pleurent. Le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit au prophète alayhi sallam d'aller et de parler, de demander pardon à sa mère, à la mère du prophète alayhi sallam, de demander pardon et de faire l'istighfar à qui? À son oncle, à l'oncle du prophète alayhi sallam, Abu Talib. Et toi, Yash al-Goumi, tu pars voir ces koufars et tu lèves tes mains pour eux. Akhzak Allah. Akhzak Allah. Wallah, la kassar Allahu min amtalik wa la barak Allahu fik. Allah Azza wa Jal an yahdiyaka ou yurihan Allah mink. Wallah, on implore Allah subhanahu wa ta'ala qui te remette sur le droit chemin et que tu fasses tauba, ou qui nous apaise de te voir et de te voir supporter et soutenir Al-Kuffar. Et on te déteste en Allah. On te déteste. Nubghiduka fillah. Anta wa man yahdhu hadhwak. Anta wa man hum ala shakilatik. Et tous qui sont comme toi, wallah natabarra'u minhum. Wa laysu bi muslimin. Wa laysu bi muslim. Bal hum kuffar murtaddin. باعوا دينهم وعاونوا المشركين ونصروا الكفار على المسلمين صلى الله السلامة والعافية. Donc لهذا حتى لا أطيل عليكم. Vous avez vu que plusieurs versets montrent que celui qui insulte le prophète عليه الصلاة والسلام, celui qui insulte la religion, celui qui insulte, lui-même, celui qui insulte ou qui s'amuse ou qui avec des charaïa, avec des législations d'Allah subhanahu wa ta'ala, est un kafir. Est un kafir. Donc c'est des choses dans lesquelles on ne s'amuse pas. Et comme les savants ils disent, s'amuser avec le kofr est du kofr. S'amuser avec la mécréance est une mécréance. Donc la mécréance, tu ne t'amuses pas avec. Donc le fait d'insulter le prophète alayhi sallam est un acte qui fait sortir de l'islam. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يتوب علينا وأن يرزقنا الفردوس الأعلى وأن يحشرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام وأن وأن لا يعاملنا بما نحن أهله، وأن يعاملنا بما هو أهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.